ou de découverte. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On aura un défilé de mâles avec Charles-Antoine Rioux, Frédéric Bernard et Gabriel Béhoud. Et on cuisinera avec notre chef préféré de toute la radio québécoise, Master Steph. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, c'est mercredi 4 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante et j'ai une sépacole dans la joue gauche. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Je suis bien contente aujourd'hui que ce soit un spécial mâle. Hey! Mais mercredi dernier, on a eu le spécial femelle. C'est vrai, femelle. Et là, aujourd'hui, c'est le spécial mâle. Ouais, j'ai jeune. Bonjour, Steph. Salut, Mathieu. J'étais pas là hier. T'as remarqué? Merci, oui. Oui, j'ai remarqué. Ça n'a pas trop paru en ondes, je pense, mais on a diffusé d'autres choses avec moi dedans, mais c'est pas grave. C'est le jour de la marmotte. C'est ça, jour de la marmotte. Oui, et drôle que t'en parles comme ça, parce qu'hier, en ronde, on parlait du fait que c'est le jour de la marmotte. D'habitude, on faisait quelque chose chaque année pour le jour de la marmotte. Là, on a oublié. Et j'étais pas là mardi et lundi. Ça joue la même chronique à la même heure, à peu près. Non, c'est parfait. Genre, le site fait de lundi a rejoué à peu près à la même heure le mardi, mais c'était pas prévu, tu sais, parce que je mets des prérequis, qu'on appelle, quand je suis pas là. C'est-à-dire, c'est la première fois que c'est arrivé. Fait que je fais pas ça d'habitude, je fais ça dorénavant. Plus. Deuxième, mais la première fois, c'est pas parce que t'étais malade. C'est ça. Non, mais ouais, mais on avait diffusé une émission best-of. C'était une nouvelle émission à ce moment-là. C'est vrai. Un nouveau montage, donc ça compte pas. C'est vrai. Ça comptait dans le numérotage des émissions. Mais dans le. Dans le concret, là. Non, mais je veux dire. Pour le jour de la marmotte, ouais. Si on avait voulu le faire, on l'aurait même pas fait. Ouais. Ça, c'était juste parfait. Là. Ça donnait merveilleusement bien. Donc, parlons de l'émission d'aujourd'hui, avant toute chose. Hein? On va voir plus tard dans l'émission nos mâles, donc à 8h, Charles-Antoine Rioux, du Club PLR et QTR, qui va nous faire sa chronique. Ensuite, à 8h30, on accueille Frédéric Bernard et Crackpot TV, nous conseille encore une série à regarder ensemble. Et à 9h, on reprend la chronique. Le seul restant d'hier qu'on n'avait pas pu faire, notre seul chroniqueur externe, c'est Gabriel Béhoud. Et la chronique dans les coulisses de la lutte, ça c'était à 9h aujourd'hui. Waouh! Ouais. Beau programme! Mais étant donné qu'on a tout ça, puis qu'hier on n'a pas fait Master Steph, c'est avec ça qu'on commence à l'instant. Ça t'entends-tu? Ok, oui! C'est Stéphanie Paradis. Voici Master Steph. La chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Je regardais mes photos sur Facebook et je suis en train de me rendre compte que j'avais pas appuyé sur publier. Donc là, elles sont là. Ça va être moins pratique pour moi de mon côté. Petit détail. Okay. Donc oui, Master Steph, c'est quoi? Ben, ça le dit pas mal, hein, en commençant. Deux syllabes, non, deux mots, deux demi-mots. Deux mots, pas mal, finalement. Deux mots, ah oui. Deux mots. Deux mots. Trois syllabes. Première syllabe. Master. Sonne comme. une tumeur. Ok. C'est une masse. Ok. Une masse, ouais, c'est bon. Admettons que tu prennes gainé, tu veux sortir l'eau, faut que t'as. T'as peur. Puis Steph, ben, c'est moi. C'était funny. Funny stuff. Funny stuff. Voilà. Donc. Écoute, moi, je vous cuisine des trucs dans Master Steph. Peut-être que vous l'avez pas deviné. Ben, je vous l'explique. OK. Et là, beaucoup de très longtemps, je l'explique plusieurs fois. C'est cool. Et là, qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine? La Saint-Valentin, c'est... Ben oui, fait qu'on fait quelque chose un petit peu en thématique avec ça, mais c'est un peu hasard, en fait. OK. Après l'avoir fait, je me suis dit, hey, ça fit. C'est rouge, j'imagine que c'est rouge. Je me trouve vraiment génial. J'ai pas vu les photos encore. Donc, qu'est-ce que je t'ai cuisiné aujourd'hui, Mathieu? Ce sont des biscuits aux pépites de chocolat velours rouge. Pas du Red Velvet. Du Red Velvet. Pas une tonne avec ça. Hein? Une tonne avec ça dedans. Non, c'est Black Velvet. Ouais, c'est Black Velvet. Black Velvet. Il donne d'or Blue Velvet. J'imagine. La dame en bleu, là, elle portait du velours. La dame en Blue Velvet. Blue Velvet. Voilà.

River et Slippery Footed Man sur leur album The New Sun Hotel. Il y a vraiment H avec 4 H. Au retour, Gabriel Béhoud et la chronique dans les coulisses de la Luitre. On va parler d'improvisation ensemble et plus tard, on va voir Crackpot TV. En fait, ça va être Crackpot TV là, puis après ça, Gabriel Béhoud. C'est ça, dans là. Donc, Crackpot TV au retour avec Frédéric Bernard. C'est là. Fou de nouveauté. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis. On se mercredi 4 février 2015. C'est Stéphanie Paradis. Louis-Emma Dublanc. Mais oui! Dans quelques instants, ça va être Frédéric Bernard et Crackpot TV. Il va nous parler d'une série qui est diffusée en ce moment même et que vous pouvez commencer à suivre. Tu sais, qui n'est pas trop avancée, tu sais, sur le genre. Donc, Crackpot TV dans un instant. Mais avant ça, on écoute The Marwheels. C'est nouveau sur le palmarès anglophone, sur l'album Facts and Figures. Voici Don't Go Home. Retournez pas chez vous, c'est le moment d'aller à la job. Tu sais? Comme chez vous, c'est parce que t'es malade. Ben, c'est ça. C'est ça. Et on souhaite pas ça à personne. c'était Caravan et leur nouvel extrait Harmony Rocket sur l'album Chien Noir en 19e place francophone. Et avant ça, en anglo, on a entendu, c'était The Marwheels et Don't Go Home sur Facts and Figures. Nous voilà arrivés maintenant au moment de parler de télévision avec Frédéric Bernard. Voici Crackpot TV. Salut Frédéric Bernard! Ben, salut Mathieu, ça salut va? Salut Stéphanie, ben oui, ça Adieu va bien. Oui, ah, content de te revoir, t'étais pas la semaine passée. Non, non, j'ai pris congé la semaine passée, c'est ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Exactement. 2 semaines pendant lesquelles j'ai pris une pause, mais j'ai surtout écouté une série télé. Ah bon? Fait que pour faire un changement. C'est ça, puis nous autres on savait plus quoi écouter parce que tu nous oui as abandonné. Hey, c'est terrible. Je pense que t'as comme presque fini HeroCorp tellement t'as avancé. Non, ça fait longtemps qu'on a pas réécouté. En fait, on s'est cette année. On s'est cette année. Parce que quand t'arrives à la saison 3, si je ne m'abuse, on tombe dans des capsules de 7 minutes. Ouais. Puis c'est ouais vraiment chiant quand ton internet, il veut pas loader. Ah. Puis que là, à chaque 7 minutes, t'attends comme 10 minutes. Fait qu'on s'est un petit peu tanné, là, mais on pourrait essayer de remédier à la situation bientôt. C'est un défaut du format que j'avais pas pensé, mais il est pas trouvable en version complète. Torrent, comme style, là, ouais. Mais c'est ça, faudrait que je regarde ouais ça, là, parce que... Moi, je cherchais ça pour toi. Ça, ouais. On va venir avec ça la semaine prochaine. Exact. Donc, on va l'avoir trouvé d'ici là. Un peu comme la formule du jeu où on doit répéter le mot d'avant et les jeux de camp où on doit tout le temps répéter les mots d'avant ça, à la file. C'est plat. C'est ça. Donc, à date, on a fait True Detective, on a fait Orange is the New Black, on a fait HeroCorp avec Crackpot TV. On est rendu à une 4e émission qu'il va falloir retenir dans la liste pour à la fin de la saison pouvoir tout dire au complet. On peut presque tricher pour parler de Weeds aussi. On peut parler ben de Weeds. Oui. C'est bien. Mais là, une série que je vais rajouter dans le fond à votre liste à écouter. Cette série, peut-être que ça va vous dire quelque chose. Certaines personnes, ça va peut-être leur dire quelque chose, entre autres, parce qu'il y a un film qui a été fait avec cette série-là. Cette série-là, c'est Fargo. Oui. Fargo. Alors, le film était là avant la série. Le film était là avant la série, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Alors, Fargo, alors année de production 2014, c'est tout récent. Il y a une saison en ce moment de cette série-là. L'idée originale, c'est les frères Cohen, alors Ethan et Joel Cohen, mais c'est Noah Hawley. J'ai de la misère à le prononcer. Noah Hawley. Vous le chercherez sur Internet. Ben oui, là. Qui l'a écrit. Alors, il a vraiment écrit tous les épisodes de la série. C'est vraiment lui qui a pris la série en main. Et les frères Cohen, eux, ils font que produire la série. Mais aux États-Unis, c'est souvent les producteurs qui vont être sous les projecteurs parce que c'est eux, bon, qui fournissent l'argent. Oui. C'est vu comme ça. Les acteurs vedettes, alors, on va reconnaître quelques gros noms, si on peut dire ça. Billy Bob Thornton, Colin Hanks, qui est le fils de Tom Hanks, Martin Freeman, Alison Tolman. Alors, Martin Freeman, qu'on peut voir entre autres dans la série Sherlock Holmes, la série britannique. Oui, c'est... Y a-t-il rapport avec Morgan? Morgan Freeman? Non. Et au début, je me suis pratiqué chez nous, je disais tout le temps Morgan Freeman, je suis là, mais ça, c'est pas lui. Non, ça ressemble pas. Alors, Martin Freeman, c'est le même qui est dans c'est The Hobbit, je pense, puis c'est celui qui joue dans The Office UK aussi. Oui, exactement. Ouais. Donc, vous voyez que c'est vraiment juste avec Martin Freeman, on a quand même des gros noms, mais oui. Billy Bob Thornton aussi, qui jouait Bad. Mauvais grand-père, on va le dire en français. Bad, ouais. On va assumer que je suis pas bon en anglais pour le dire en français, là. Alors, pas fin grand-père, on va dire. Alors, un film sur un Père Noël, là, que j'ai pas vraiment écouté, mais qui date. On va sortir un deuxième aussi, là, pour ceux qui l'ont vu. Alors, une comédie. J'irai avec le résumé. Ah oui, c'est ton résumé écrit de ta propre plume. Segment lecture, je vous avertis, il est un peu spécial, mais bon, c'est juste pour votre plaisir. OK. Alors, résumé. Ceci est une histoire vraie. Les événements dépeints ont lieu dans le Minnesota en 2006. À la demande des survivants, les noms ont été changés. Par respect pour les morts, le reste est décrit exactement comme cela s'est déroulé. C'est sur cet avertissement que débute chacun des 10 épisodes de Fargo qui vous entraîne dans l'univers froid de cette petite ville sans histoire au calme plat. Cette dernière phrase vous a semblé banale? Bien, vous venez de tomber dans le piège Fargo. Décortiquons-la. L'univers froid, c'est bien un univers glacial qui enrobe l'histoire de la série, autant au niveau du climat que des événements à venir. Des cadavres, des scènes à faire froid dans le dos, une policière, Molly Silverson, froide devant l'horreur qu'elle découvre durant l'enquête d'un double meurtre. Sans histoire, c'est un Lister Nygaard maladroit, timide, qui ne riposte pas lorsqu'il se fait cracher dessus, un vendeur d'assurance banal, mais intimement relié à une histoire de meurtre qui sera le personnage principal. Lester évoluera, vous l'aimerez et vous le détesterez à la fois. Vous aurez pitié et vous voudrez le tuer à la fois. Un calme plat, Lord Malvo, un tueur en série insaisissable, entra de ses paroles perfides le moindre personnage qui croisera sa route. Il fera effectivement preuve d'un calme plat en accomplissant des horreurs sans nom. Oui, c'est vraiment une petite ville sans histoire. Installez-vous avec un chocolat chaud, les habitants y sont accueillants, mais pas très motivés. Vous voulez les découvrir? Eux, ils ne veulent pas. Vous voulez vous y attacher? Malheureusement, vous allez vous y attacher. Vous n'êtes pas sûr de comprendre ce résumé? 1000 questions vous trottent dans la tête? Tout semble fou? Flou? Vous trouvez que cela a l'air d'une histoire comme les autres, mais vous voulez vous y engager à reculons? Tout ça, c'est simplement parce que vous êtes tombé dans le piège Fargo. Oh. Mm-hmm. Alors, j'ai vraiment essayé de faire un résumé un peu à l'ambiance de la série. Alors, ceux qui ont vu le film savent un peu que c'est... c'est un style assez différent, assez calme, un humour assez, non assumé, si on veut. Alors, tout se veut calme, mais des événements surréalistes qui arrivent dans cette série-là, avec des personnages qui vont réagir beaucoup trop calmement, comme si tout était normal, okay. Finalement. Donc, comme je l'ai dit, c'est une saison, c'est une courte série, 10 épisodes. Alors, pas beaucoup. Sur le modèle des séries d'HBO, Showtime, c'est sur quelle, celle-là? Exactement. Celle-là, c'est, j'ai essayé de la trouver, c'est pas HBO ni Showtime. C'est pas... attends un peu, je vais te trouver ça. Oui, je vais te laisser parce que j'ai essayé de le trouver puis j'étais pas sûr, fait que finalement... C'est sur FX. Ah, bon. La chaîne FX. Bon. On a une version canadienne de FX Canada. Oui, ben je pense que je sais qu'entre autres pour le film, il y a eu une collaboration avec le Canada et les États-Unis. Okay, ah. Entre autres, quand ils ont tourné le film, petit à petit, bon, ok, fait cocasse, on va commencer par ça. Okay. Petit à petit, ils commençaient à tourner dans le nord pour des États-Unis, mais vu que le printemps arrivait, ben ils ont dû remonter jusqu'à être obligés de tourner au Canada. Okay. Au bout d'un moment, les frères Cohen. C'est un peu moins cher aussi en plus au Canada. Ouais. Mais je sais qu'il y a eu une collaboration là, à ce niveau-là. Je pense que pour la série télé aussi, on parlait d'une collaboration sur certains épisodes, alors certains acteurs canadiens, entre autres, qui font leur apparition dans la série. Mais comme je disais, 10 épisodes très courts, je pense qu'on va rester sur un format comme ça. C'est vraiment une série qui est faite, on va avoir une saison 2 qui est annoncée. C'est une série qui est faite pour avoir une histoire qui a un début et une fin. À chaque saison. American Horror Story, à la style True Detective, justement. Okay. Alors vraiment, chaque saison va avoir son histoire. Et on va toujours être un peu dans cet univers-là de Fargo, alors avec un crime qui s'est passé, avec des personnages qui réagissent de façon un peu surréaliste, trop calme, trop normalement des événements là qui sont... normalement hyper absurde ou à d'autres endroits sur la planète ça aurait fait une onde de choc. Là c'est calme puis on essaye de cacher tout ça là. Alors suite du film qui était le film de 96, alors à partir de l'épisode 4, faut savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir vu le film pour j'allais le demander. Pas besoin. C'est ça, c'est la première question qu'on peut se demander. Moi le film, ça faisait longtemps que je l'avais vu, c'était très flou en tête de qu'est-ce qui s'était passé exactement dans le film. Je me rappelais un peu de la teinte particulière, de l'humour particulier des frères Cohen à l'intérieur du film. Mais non, c'est pas une suite directe du film. Mais à partir de l'épisode 4, on en fait référence. Okay. On peut voir là pour les fans, ceux qui ont vu le film, on peut voir justement une suite si on veut à ce niveau-là. On fait référence aux événements du film. Bon, ça vaut la peine de prendre une petite heure et demie, deux heures pour écouter le film avant de commencer la série, je pense. Ça met bien en contexte. Surtout le film prend le temps vraiment de faire découvrir avec moins de personnages aussi cet univers-là de Fargo, cette ville de Fargo et cette teinte particulière de ces personnages un peu particuliers, alors que la série fait que poursuivre, on arrive. C'est. Mais est-ce qu'il faut que je te demande évidemment s'il y a des personnages en commun entre le film et la série, un petit peu? Pas vraiment. Les policiers, je crois qu'ils font référence à la policière, entre autres, mais c'est vraiment des personnages qui sont uniques à la série. Alors, ça se passe au même endroit. C'est ni nécessairement... t'as dit que c'est après que ça se passe quand même? C'est au Minnesota, mais là, on se retrouve en 2006. Alors, la série... le film, évidemment, est pas en 2006. Le film... 96. Je pense que c'est produit en... le film était en 96, donc on faisait pas référence à des années en 2006. Je pense qu'on faisait référence à un événement des années 80, parce qu'aussi dans le film, on commence le film en disant « Ceci est une histoire vraie. » Alors, on commence de la même façon dans le film. Non, on n'a pas les mêmes personnages. C'est des personnages bon, plus récents. Quand on va parler des événements du film, on va parler au passé. Okay. Justement, de ces événements-là. C'est bon. Les personnages, je vous ai parlé des personnages qui avaient toute une teinte particulière. Alors, des personnages très calmes. Alors, un peu hypocrites, si on veut, sur les bords des personnages, comme je vous parlais du personnage principal, Lester Nygaard, qui est un personnage vraiment, on pourrait croire un anti-héros au début. Mais ça va changer. Alors, vraiment, un personnage maladroit, un vendeur d'assurance, tout le monde lui marche sur les pieds, personne ne le remarque, il est un peu caché. On se rend compte, dès le début, dès le premier épisode, que même au secondaire, il était martyrisé par les brutes de l'école, puis qu'on l'ignorait, sa femme, femme, mon Dieu, castrante, si on peut utiliser le mot, une femme qui va lui dire qu'elle aurait dû marier son frère, finalement, ouais. Que lui-même sert à rien, que c'est un bon à rien, alors elle va le rabaisser tout le temps au début de l'épisode, finalement, dans le premier épisode. Elle est attachante, quand même. Oui, vraiment. Oui, oui, un personnage qu'on a le goût de découvrir. c'est... Mais lui, entre autres, dès le début du premier épisode, il parle, entre autres, de son travail, puis qu'il veut évoluer là-dedans, qu'il veut peut-être avoir une promotion, et qu'il peut peut-être réparer juste une machine, la machine à laver, qui est en panne, et sa femme qui va le rabaisser, qui va dire qu'il est capable de rien faire, de pas toucher à ça, qu'il va gâcher tout comme il fait d'habitude. Alors, c'est un personnage un peu comme ça qu'on a, très renfermé sur lui, beaucoup de rage à l'intérieur de lui, mais qui l'exporte pas, qui subit, finalement. C'est un personnage qui subit beaucoup. Lord Malvo, lui, c'est un tueur en série. Alors, il arrive dans la ville de Fargo, on sait pas vraiment tout le temps c'est quoi ses plans, qu'est-ce qu'il est supposé faire. C'est un personnage vraiment intéressant parce que vous allez voir, ce personnage-là croise beaucoup les autres personnages. Les personnages qu'il va croiser, il va beaucoup les influencer. Alors, il y a beaucoup d'horreur qu'il va créer, que d'autres personnages vont créer, mais qui sont directement liés à Lord Malvo à cause des faits. C'est un manipulateur, finalement. C'est un grand manipulateur. Un personnage très froid, un peu sanglant, un peu étrange. Il fait rire aussi. C'est un humour très noir, Lord Malvo. Mais, ouais, faut aimer l'humour. On dirait un personnage d'Harry Potter quand même, le Lord Malvo. Oui, c'est ça. Mais c'est un surnom qui se donne finalement parce que c'est un tueur qui est insaisissable. Il ouais. va même à narguer les policiers en se faisant filmer. Alors, sans problème, il se fait filmer, il sait, mais il sait qu'il sera pas trouvable. Il se fait confiance, mettons. Oui, il change de nom tout le temps, change de métier tout le temps. On le voit à un moment qu'il va aller récupérer son nouveau métier. C'est une scène mémorable selon moi, mais je vous en dirai pas plus parce non. que c'est non, hey, faut pas hey. Que je vous gâche ça. Bon, ok, je vais vous le dire. Que je te vois faire des affaires la même. Mais vraiment, il va changer de métier tout le temps. Alors, c'est un personnage qui est vraiment intéressant pour ça. Il est mystérieux, on sait pas d'où il vient, on sait pas exactement c'est quoi son travail, on sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait là, c'est quoi son but. Quand il va se mettre à manipuler les gens, c'est pas pour son travail, c'est simplement pour son plaisir. À un moment donné, on le voit dans un motel, dans l'épisode 2, si je me souviens bien, il va manipuler un jeune commis qui est là, il va l'inciter finalement à uriner dans l'auto de sa patronne. Mais c'est simplement pour son plaisir. Il y a aucun but à ça, c'est complètement gratuit. Okay. C'est un personnage qui est particulier, un peu, ouais. Très particulier, très particulier. La policière, alors peut-être un peu plus celle qui est terre à terre. Alors les policiers là-dedans sont très ridiculisés. Alors les policiers sont directement, si on veut, impliqués. Ils ont la solution des meurtres devant les yeux, mais ils se bandent les yeux, ne veulent pas voir la solution. Et on a la policière qui est Molly Silverson, qui, elle, veut découvrir. Elle, c'est la plus terre à terre, celle qui va essayer le plus de comprendre finalement le meurtre et qui va faire son rôle de policière finalement. Les autres vont boire du café. Alors, c'est vraiment de la façon de résumer ça. Les autres policiers, eux, sont là pour boire du café. Bon. C'est pas mal tout ce qu'ils font. C'est un beau passe-temps, quand même. Oui, oui. Mais ils veulent tous se cacher les yeux. Entre autres, Lester Nygaard, au lieu d'être interrogé, on va lui dire « Pauvre toi qui a vécu ça, pauvre toi qui a vu ça. » On va jamais l'interroger, finalement. Puis on va dire « Bon, on a tout dit. On a tout fait. » Mais finalement, on lui a juste dit « Ben, pauvre toi, c'était terrible. » Bon, il aura jamais vécu de question, finalement, ouais. là. Vis-à-vis le meurtre qu'il a vu. Pour moi, le téléspectateur se sent plus intelligent que les policiers dans l'émission. Quand on regarde, certainement, qu'on le sent, certainement. que beaucoup de personnages, même. Mm-hmm. Beaucoup de références, alors, à l'intérieur de cette série-là. On a, entre autres, l'affiche des poissons sur laquelle il est marqué... je vais vous la dire en français. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez raison et eux tort? Alors, c'est une affiche. Alors, on a plein de poissons jaunes qui vont dans un sens, puis un poisson rouge qui va dans l'autre sens. On fait souvent référence à cette affiche-là. On fait souvent référence à plein de petits moments. Lord Malvo va raconter, entre autres, une histoire sur les loups. Alors, les loups qui vont manger une bête, une proie, qui vont aller chercher une proie, et comment ils font pour aller chercher cette proie-là. Beaucoup de métaphores autour de ça. Je vous dirais de porter quand même attention à ces métaphores-là. C'est peut-être un peu mon petit côté où j'ai pas porté assez attention. C'est beaucoup de métaphores, ils vont beaucoup jouer là-dessus, beaucoup faire des doubles des allusions à ou des doubles significations à un événement. Alors, des personnages, entre autres, Lester Nygaard, c'est par rapport à cette affiche-là, il va décider de tout changer sa vie, de tout chambouler sa vie et de se dire que lui a raison et toutes les autres ont tort. Et là, il va essayer de changer sa vie par rapport à ça, mais ça marchera pas exactement comme c'était prévu. Comme je vous disais, Lord Malvo va faire une histoire avec les loups-garous. Avec les loups. Il n'y a pas de loups-garous là-dedans. Avec les loups, je vous dirais de porter vraiment attention à cette histoire-là. Il va la ramener souvent. On sait jamais pourquoi, il change tout le temps un petit peu. Mais il y a une raison derrière ça. Oui, c'est ça. On pense que c'est simple comme solution, mais finalement, c'est assez... toute l'histoire, finalement, tout le déroulement final est basé un peu sur cette histoire-là, sur l'histoire des loups. Alors, c'est un peu à porter attention pour quelqu'un qui commencerait la série. Okay. Alors, quelque chose qui serait assez important là, de se souvenir, d'essayer de suivre un peu, de voir l'évolution de cette histoire-là. Parce que Lord Malvo, veut pas, va évoluer un peu dans cette série-là, mais pas beaucoup. C'est subtil. C'est subtil. C'est une série qui est toute en subtilité. Je vous parlais des policiers tantôt. Qui était un peu effacé, si on veut. Paresseux, c'est... peut-être même. Oui, oui. Intellectuellement, mettons, paresseux. Oui, si oui, effectivement. Alors, on a vraiment des policiers. On a le vieux policier qui est là, que ça fait longtemps. Fargo, faut dire que c'est une ville qui s'est rien passé depuis longtemps. C'est une ville qui est sans histoire. Les habitants qui sont là, même après les événements qui se sont passés, si vous allez voir un habitant à Fargo puis que vous lui demandez comment est ta ville, il va dire que c'est normal. Ouais. Il s'est rien passé. Il va dire que c'est une ville qui est plat, qui est sans histoire. C'est comme ça que les habitants réagissent à toutes ces horreurs-là. Les policiers, c'est ça, ils ont tout un... Moi, j'ai marqué que c'était un hommage à l'hypocrisie. Tout est un peu un hommage à l'hypocrisie à l'intérieur de cette série-là. Les policiers qui voient les preuves, mais qui ne veulent pas les voir en même temps ou qui ne veulent pas les mettre en devant de la scène parce que ça leur mettrait encore du travail, il y aurait plus de travail à faire. Lester Nygaard lui-même qui pense qu'il a raison. Je vous parlais de la fiche justement, qui dit qu'il a raison, mais qui va des fois avoir tort, mais qui va être persuadé qu'il a raison, qu'il va continuer dans cette voie-là. J'ai marqué sauf Malvo, mais je suis persuadé que Malvo, à certains moments, a un côté hypocrite. Même le début de chaque épisode est hypocrite. Alors, juste dans le générique, c'est hypocrite. Okay. Alors, je pense que je vais vous en parler tout de suite. Ouais, je vais le barrer pour pas... Je vous ai dit qu'au début, ça commençait tout le temps par « Ceci est une histoire vraie ». Ouais. Pas exactement. Okay. Entre autres, si on regarde le film, si on fait référence au film, au début, c'est marqué « Ceci est une histoire vraie ». Mais quand on regarde dans le générique de fin, c'est marqué « Ceci est une fiction ». Donc, il y a des... des revirements de situation un peu. Oui, alors Joel Cohen, dans le fond, a avoué que ce n'était pas une histoire vraie, que c'était inspiré de. Alors, deux faits qui se sont passés dans le Minnesota, on n'est pas trop sûr. Alors, un meurtre qu'il y a eu, puis ensuite, il est parti avec ça, mais a vraiment créé une œuvre de fiction par rapport à ça. Et la série a perpétué cette tradition-là avec chaque épisode, en faisant encore plus fort, en faisant vraiment un gros texte de « Attention, ceci est une histoire vraie ». On en rajoutait en disant « Par respect pour les morts ». C'est pas exactement vrai. Il y a certaines choses qui sont inspirées, on croit, de meurtres. Alors, entre autres, on parlait de la saison 2, qu'on disait que c'était inspiré d'un meurtre qui était au Minnesota, qui est arrivé au Minnesota, entre autres, pour la saison 2. C'est inspiré, mais c'est pas une histoire vraie. Okay. Pourquoi on fait ça? J'aime à croire que c'est pour l'hypocrisie encore. Pour poursuivre sur l'hypocrisie de cette série-là, sur ces personnages-là. Alors, je trouve que c'est une bonne façon de commencer une série qui fait un hommage à ça. Pourquoi on fait ça aussi? Impliquer le spectateur. Alors que le spectateur se sente impliqué avec ces gens-là, avec ces personnages-là dans cette ville de Fargo. Alors, c'est des personnages qui pourraient exister. C'est toujours veux pas, même si je vous ai dit ça, même si je le savais avant d'écouter la série, quand on l'écoute, on peut pas s'empêcher de se dire c'est une histoire vraie. On nous le martèle tellement au début de l'épisode qu'après on se dit c'est une histoire vraie, puis on n'y croit pas, puis on fait c'est pas possible. Puis c'est seulement quand l'épisode termine ou durant le générique de fin qu'on se dit non, c'est vrai, ça c'est ok, ça, c'est beau, ça s'est pas vraiment passé. Ok. Moi même si tu me dis ça, j'écouterais la série en me disant que c'est vrai juste pour le fun. Mais ça rajoute un petit quelque chose, non? C'est le but aussi. Ouais. C'est le but de s'impliquer comme ça. Et je vous dirais qu'au début c'est tellement bien fait, quand on lit le texte, on l'oublie finalement que ce qu'on sait. Alors que c'est pas une histoire vraie, que c'est simplement inspiré. Mais je vous dirais, c'est très bien fait comme ça. C'est, ça rajoute une petite touche justement à la série, quelque chose de très original. Ouais. Je vous ai parlé qu'on n'était pas obligé de voir le film. On a plusieurs références. Entre autres, moi j'ai noté Key and Peele, qui sont un duo d'humoristes. Alors, qui font des, c'est un humour à sketch qu'ils font aux États-Unis. Alors, qui ont leur leur série. Je les connais pas vraiment. Je sais pas si ils ont fait un petit sketch Super Bowl récemment qui a bien marché sur Facebook. Là. Ok, ok. Ouais. Moi je les connaissais pas vraiment. C'est en faisant les recherches là un peu sur eux que j'ai vu. Bon, c'est des sketchs qu'ils font. Ils font une apparition dans cette série là. Je sais pas, Mathieu, tu les connais? Ouais, ben je les connais parce que ils étaient dans la distribution de Mad TV. L'alternative à Saturday Night Live dans les années début 2000, milieu 2000, mettons. Donc non, sont super drôles, mais je les connais pas plus qu'il faut. Là. C'est okay. Des humoristes un peu, pas quelconques, mais des bons imitateurs. Ça. Un peu absurde? Ouais, un peu absurde, ouais. Okay. C'est un humour que j'aime bien quand même. Ouais. Parce que ça irait bien justement avec leurs personnages dans la série, parce qu'on a ce duo-là qui est... On en a parlé beaucoup de quand ce duo-là allait apparaître dans cette série-là, qui est une série qui se veut à la fois dramatique et comique, si j'ose dire. Vous jugerez par vous-même en l'écoutant si vous trouvez ça comique, mais c'est assez dramatique. Et on a ce duo-là d'humoristes qui apparaît. Mais c'est un duo qui se veut humoristique, justement. C'est un duo qui se veut drôle. Ils vont jouer des agents du FBI. Ça leur va très, très bien. Je les imagine très bien. OK. Bon, ben, c'est ça. Alors, pour vous dire à quel point la figure d'autorité est absente dans cette série-là, c'est un duo d'humoristes qui fait des agents du FBI. Ouais. C'est Keegan-Michael Key et Jordan Peele. Je me rappelle de leur nom comme ça. Oui. Alors vraiment, ils vont faire un duo de FBI qui va apparaître au milieu de la série. Alors juste la scène dans laquelle ils apparaissent, ils sont tous les deux dans leur auto puis ils observent un bâtiment. Ça aussi, c'est une scène mémorable. Alors à écouter, à faire attention, vous pouvez aller l'écouter directement sur YouTube. C'est une scène qui est très drôle et qui rend hommage, je pense, à leur humour. Avoir une petite scène pour apprivoiser une série, je trouve que c'est quand même une bonne idée. D'avoir une scène, mettons, aller regarder sur YouTube avant de commencer la série pour se mettre dedans. Oui, un petit peu. J'aime bien l'idée. Et cette scène-là montre vraiment un peu la couleur de cette série-là. Mmh. Alors, à la fois l'hypocrisie, à la fois l'humour, à la fois le drame qu'il y a. Et c'est une courte scène. C'est une scène qui dure peut-être un 5-7 minutes. Okay. Mais c'est une scène qui est très bien faite. Les plans ont dû être durs à faire. Assez impressionnant. On voit aussi, c'est une bonne façon qu'on nous cache des choses aux spectateurs. Alors de voir certaines choses qu'on nous cache, mais en même temps, on comprend l'horreur. Alors oui, c'est une très bonne scène pour apprivoiser cette série-là. Moi, je vais te faire une parenthèse, comme j'aime le faire une fois de temps en temps, de derrière le rideau. Si ça te tente là, de poster la scène sur la page Facebook d'Assemblage Requis, je te donne la permission. Ah ben oui, ben pas de problème. Je te donne la permission sur la page, on s'en parle plus tard, mais ça serait, je pense, une bonne idée pour l'auditeur commun d'aller juste regarder la scène sur Facebook avant de commencer la série. Juste pour qu'on puisse en parler à la luite. Là, exact. Je vais te l'envoyer. On s'en discute un peu les lundis soirs. Oui, on pourra s'en parler aussi, Steph. Oui, oui. On se textera. Oui, t'en as pas. je vous parlais de duo. Il y a un duo de tueurs aussi qui est là, qui est Mr. Number et Mr. Wrench. Et qui sont joués. C'est là que je voulais aller sur Allo Ciné. Alors, chercher ça, Mr. Number et Mr. Wrench. Wrench. Oui, c'est comme une clé anglaise, finalement. C'est un duo qui va apparaître aussi assez tôt dans la série. Assez humoristique, justement, ce duo-là. Assez... sans le savoir, il y en a un des deux qui est muet. C'est un tueur qui est muet, qui va dire ce qu'il y a à dire avec ses mains, finalement. C'est assez impressionnant comment il tue aussi. Alors, c'est un duo qui est très impressionnant aussi. Adam Goldberg et Russell Harvard. Exactement. Alors, ce duo-là qui va apparaître aussi, on a différents duos qui apparaissent au cours de la série. Je vous ai parlé des deux qui étaient le plus souvent là, les deux qui étaient le plus marquants quand on écoute la série et sur les forums, entre autres. Alors, les duos qu'on parle le plus, mais il y en a d'autres aussi à l'intérieur de la série. On peut parler des policiers, on peut parler de Colin Hanks et l'actrice qui joue sa fille, qui forment un duo qui est assez impressionnant, assez bon. Même le voisin de Colin Hanks, qui est un juif à l'intérieur de la série, va avoir une complicité, mais toujours dans l'absurde, toujours dans le trop réaliste ou dans le pas assez réaliste. C'est dur à expliquer. C'est vraiment comme la fille, celle qui va jouer la fille de Colin Hanks, va parler à sa meilleure amie avec un walkie-talkie de police. Okay. Alors, ils vont se parler ensemble comme ça, ou son père va lui souhaiter bonne nuit parfois avec le walkie-talkie de police. Alors, c'est un peu surréaliste, un peu les événements qui sont là, mais toujours dans quelques... Oui, c'est possible, c'est très possible, mais en même temps... Pas probable, mettons. C'est possible, ça, peu probable. Peu probable. La musique que je t'ai envoyée sur Facebook, on va pouvoir diffuser tantôt. Vous allez voir, bon, pour un matin, c'est pas une musique parfaite pour se réveiller, mais la musique elle-même reflète énormément ce que la série est. Alors, tout en retenue, alors c'est une musique qui est très lente, très calme, qui prend son temps à démarrer, qui prend son temps à installer chacun des instruments. Les tambours que vous allez entendre sont présents, ils sont surprenants, mais ils ne sont pas choquants. Alors, c'est pas des gros tambours qui arrivent. On a même un son de cymbale que c'est pas choquant. Normalement, c'est comme un punch finalement dans une trame musicale. Mm-hmm. Ici, à l'image de la série, quand les tambours et les cymbales embarquent, c'est tout en retenue. Alors, c'est un punch qui est là, mais tout en retenue. Alors, vous porterez attention à ça tantôt quand on passera la musique. Ça reflète très bien l'atmosphère de la série. Voilà le mot que je cherchais depuis tantôt. Voilà. Depuis un matin, je cherche ce mot-là. Atmosphère. Bon, ben, je peux y aller. T'avais Sport fait. Expert en tête. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Donc, vraiment, cette musique-là reflète très bien c'est quoi la série, tout en retenue. En 97, alors juste un fait cocasse pour finir avec ça. En 97, il y avait déjà une série qui était prévue. Il y a eu des complications à ce moment-là. 97, un an après le film, des complications, c'était les frères Cohen qui étaient supposés le faire. Finalement, en 2014, alors presque 20 ans, un petit peu moins de 20 ans plus tard, on a Noan qui a relancé finalement cette idée-là et les frères Cohen qui l'ont supporté à l'intérieur de ça. Je serais rendu à mon avis. Oui, ton avis, c'est quoi? Est-ce que tu as trouvé un avis pour ça? Oui, j'ai un avis pour ça. Alors, les points positifs. Alors, les plans sont soignés. C'est des scènes qui sont beaucoup de scènes marquantes. Je vous en ai parlé deux, mais il y en a énormément. Chaque épisode contient ces scènes marquantes. J'en ai 1000 en tête en ce moment. C'est sûr que c'est très personnel. C'est très esthétique comme scène. Quand je vous parle de scènes marquantes, c'est des scènes qui sont très esthétiques. On va beaucoup aimer ce qui est... l'éclat finalement à l'intérieur de ces scènes-là, la couleur qu'on va mettre à l'intérieur de ces scènes-là et l'originalité aussi. Alors c'est des scènes qui sont très surréalistes mais qui sont toujours filmées soit en continu, on peut penser à du Pods un peu. Alors avec certaines scènes, on peut penser à un Pods mélangé à un humour très absurde. Okay. Pods, c'est 19-2 pour ceux qui sont pas courants. 19-2, minuit soir. Genre. Alors, il y a cette petite teinte-là. Maintenant que je vous le dis, j'y pense beaucoup. Je trouve beaucoup qu'il y a des référents, justement. Des rapprochements. Au niveau de l'esthétique, je parle à ce, cool. moment, à ce moment-ci. C'est un méchant bon compliment. Ça. Oui. les décors, évidemment, c'est les décors presque du film. Alors, on a trouvé un endroit, une petite ville avec enneigé. On utilise une scène marquante, évidemment, où on est dans la brume. Alors, une grosse brume. Les décors sont toujours très soignés. Sont des beaux décors, justement. On utilise bien... c'est bien filmé. Les cadres sont bien faits, justement, pour cette petite ville-là qui nous rapproche des habitants sans qu'on le veuille parce que, des fois, on le veut pas vraiment. En accord avec le film, alors, en parfaite continuité avec l'humour du film, avec l'univers du film, l'humour est original. L'histoire est originale. Les personnages sont originaux. Le personnage principal est... très fort, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un personnage principal aussi marquant, un personnage aussi original. Alors, je veux pas trop en parler du personnage principal, je vous dirais simplement ça, je resterais très dans le flou dans cette idée-là de pourquoi ce personnage-là je l'aime, parce que cette série vaut la peine d'être découverte pour ce personnage-là, okay. Entre autres. Quand même. Tout le jeu des acteurs. En allant de Colin Hanks, en allant des figurants, en allant des duos que je vous ai parlé tantôt, la policière qui était une découverte là-dedans, la policière qui est jouée. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Je peux te trouver, je l'ai. Ah, tu l'as, la policière, celle qui joue Molly, en fait. Molly, attends un peu, j'ai pas de Molly, attends un peu, je trouve ça. Alison Tolman. Exact. Alors, la policière qui est une découverte dans cette série-là. Alors, la policière qui est partout, on l'acclame justement pour cette découverte-là. Alors, tout le jeu des acteurs. Et vraiment, il faut que tous les acteurs soit dans le même jeu, soit dans la même idée, dans la même façon de penser pour que l'univers marche. Ouais. Il suffirait d'un acteur qui bascule finalement, qui soit pas convaincant pour qu'on n'entre plus vraiment dans cet univers-là. Donc, tout le jeu des acteurs est parfait. On entre dans cet univers-là et ils ont tous un peu ce même jeu d'acteurs un peu en retenue. Et les duos. Bien sûr, les duos en tant que tels là, qui apparaissent dans la série vaut la peine d'être découverts. Parfait. Points négatifs. Alors, c'est des points négatifs. Personnellement, j'ai eu de la misère à en trouver. Alors, pour être honnête, mais c'est très personnel. Alors, j'ai surtout sorti des points négatifs pour quelqu'un qui aurait d'autres goûts, d'autres appréciations, d'autres styles de séries télé qui aimerait plus, des séries télé qui bougent plus, des séries télé avec une histoire, justement, qui prend pas autant de temps, avec un autre style d'humour. Alors, pour les points négatifs, alors, les longueurs, faut aimer une série qui prend son temps. C'est 10 épisodes, mais c'est 10 épisodes où on prend vraiment notre temps pour nous raconter ça. True Detective faisait la même chose. Alors, on est beaucoup dans des séries qui s'étirent à longueur pour vraiment installer des choses, prendre le temps d'installer les choses. Cette série-là n'y échappe pas. On est très en longueur dedans. J'ai marqué que c'était pas engageant. Quand on voit la pochette, le résumé de la série, quand on voit certains teasers que sur YouTube ou qu'on nous en parle, même là j'ai l'impression que j'en parle, mais c'est pas engageant, on n'a pas le goût d'écouter cette série-là. Moi, quand j'ai commencé à écouter cette série-là, c'est parce que j'avais rien d'autre. Alors, puis j'ai beaucoup pourtant, de temps. Ironiquement parlant, parce que t'es tout le temps en train de conseiller des séries, donc comment ça fait que t'en avais pas d'autres à aller? Oui, c'est ça. Mais rendu là, je l'ai écouté durant l'été, puis je l'ai fini il y a pas longtemps, puis c'est parce que j'avais rien d'autre à écouter que j'ai fait, pourquoi pas Fargo? On sait que c'est là, on sait que c'est inspiré d'un film qui a très bien marché, ouais. On connaît l'univers, mais allez savoir pourquoi, on écoute cette série-là avec un pied à reculons. Pourtant, on en sort toujours, moi j'en sortais toujours content de cette série-là, j'étais toujours satisfait de l'épisode que j'avais vu, mais on dirait que c'est un contrat qu'on nous offre quand on veut écouter cette série-là. Apprendre ou à laisser. C'est ça, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans les points négatifs. Je vous ai parlé des métaphores, de l'affiche, de l'histoire du loup de Lorne Malvo. Beaucoup de métaphores, beaucoup de symboles, beaucoup de symboles au travers de cette série-là, de messages qui sont cachés. Ça peut être un peu lourd, peut-être. C'est ça, quelqu'un qui veut pas trop se casser la tête, peut-être pas la bonne série. Ouais. Peut-être pas la bonne série, parce que vraiment, autant au niveau psychologique, des fois, ça peut être un peu plus marquant, autant c'est on a beaucoup de symbolique là-dedans qu'il faut porter attention, qu'on peut pas ignorer. Puis certaines personnes qui n'aimeront pas, bon, entre autres, je vous ai parlé du petit mensonge qu'il y avait au début. C'est ça un peu tout le long de la série aussi. On nous fait accroire des choses. Finalement, c'est pas comme ça. Comme ceux qui se plaignent de la série de documentaires à Télé-Québec là, sur les histoires vraies. Là, tout le monde parle contre ça en ce moment, comme de quoi que c'est supposé être des histoires vraies, puis ils comprennent pas. Là. Non, personne n'a suivi ça. Personne suit ça. Télé-Québec, Ben, je sais quoi, mais je sais pas de quoi tu parles. Après, une controverse en ce moment. Ah! C'est faire. Excusez. Mais c'est pas grave. Bon, t'en parles. Les gens aiment pas ça qu'on leur dise pas les vraies affaires. Okay. C'est un fait. Ça peut être tout un fait. C'est un exactement. Fait. Donc, c'est ça. Certaines personnes qui aimeront pas ça, justement. Alors, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de place au doute dans cette série-là. Ouais. Même certains personnages qu'on va vous dire, bon, ben voilà, lui, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, au bout du 8e épisode, ben, toutes nos accroires sur ce personnage-là sont défaits. Enfin, ben, pourquoi il fait ça? Alors, peut-être certaines personnes qui aimeront pas ça, qu'on nous demande comme ça, qu'on fasse des changements directs de cette façon-là. Wow! Bon, donc on a un avis final, une note finalement. Oui, un avis final. Alors, une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Alors, je vous le cacherai pas, moi j'ai vraiment aimé cette série-là. Je vous dirais que c'est je vais rester dans les choses alimentaires. Alors, je vous dirais que c'est une crème glacée, une saveur inconnue. Ok, on sait pas laquelle. Non, on sait pas laquelle. Alors, je reste dans le mystère, moi aussi. C'est une crème glacée, mais je vous dis pas la saveur. Faut qu'on devine. Ou ouais. De la Gendaz ou de la Breyers? Je vous le dis même pas. Même pas la marque. Parce que j'ai aucune idée c'est quoi la différence. C'est une crème glacée. C'est pas la même marque, c'est pas la même saveur. J'aime ça. Ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Colin, c'était intéressant. C'était Fargo, une série de la chaîne FX. Mm-hmm. Donc, Fargo, F-R-G-O. Loin, vas-y. Loin, vas-y. Et on se reparle, Frédéric Bernard, la semaine prochaine, toujours les mercredis à 8h30. Oui, la semaine prochaine, alors peut-être pour essayer d'attirer du public, je risque peut-être d'arriver avec peut-être un bilan. La semaine prochaine, peut-être pas. Alors, on verra, c'est un mystère. C'est sans saveur, oui. Adat. On sait pas laquelle. C'est sans saveur. C'est saveur inconnue. Voilà. Je viens de sortir de Fargo, moi. Fait que je fais du mystère partout. Retournons-y avec l'intro de Fargo. Merci. La chanson thème, musique thème de Fargo. Au retour de la pause, Gabriel Béaud et la chronique dans les coulisses de la huître. Ça donne envie de rester à l'écoute. Des rires demain. Ah, oui. Ouais. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Quelqu'un me fait bail, je lui fais bail en retour. Moi, je suis sympathique. Toujours Assemblage requis, on se mercredi 4 février 2015, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Blanc. T'aurais dit flasher des boules. Ah ben, Colin, moi, je suis quand même, ouais. On parlera pas trop de mes boules, là. On est à la radio quand même, là. Une radio publique, hein? Maintenant, tiens, on va... Tu sais, des fois, tu cherches un lien de boule? Ouais, je cherche un lien de boule. À la huître, des fois, on demande aux gens de lever la main ou le poing. Ça fait comme une boule. Quelqu'un qui montre les boules, là, ça donnerait le point à quelle équipe, ça? Aux arbitres. Aux arbitres, comme dans Bit. C'est dans les coulisses de la huître. Ah non, c'est pas ça. Arrête. Urgence, on arrête les machines. On arrête les machines, c'est pas ça. C'est ça ici, oui. Hey. Dans les coulisses de la huître avec Gabriel Béaud. Bonjour à toi. Bonjour à vous deux. Allô. Hello. Ça

think you understand. It's black and white, each satellite is part of an expanding rubber band. And so, that's why it's turning in my mind. I think it's this, but then it's that. It's fine, I guess, it happens all the time. So the moon just rolls around the earth, yet they both just roll around the sun. You see, we're always part of something bigger than ourselves. I need the sun, I need the sun. I need the sun, I need the sun. I need the sun, I need the sun.